le chapeau. Le chapeau, élément décoratif s'il en est, a une place de choix dans le grand ordonnancement cosmique. L'une des nombreuses qualités intrinsèques de cet objet est son inaltérabilité dans la mise en relation de son porteur avec autrui. Qu'importe l'idée de ridicule pouvant, malencontreusement, se formuler dans l'encéphale du grand primate en slip qui rencontre le détenteur du chapeau. Ce n'est qu'une idée et fausse par-dessus le marché. Car s'il n'y avait la moustache, que resterait-il aux hominidés, nouvelle formule pour rester digne? Le blasphème est consommé, certes, par cette interrogation subtile mais néanmoins nécessaire. La moustache ne peut pas ne pas être. L'utilité première de ce cadeau de la toute-puissante volaille qui nous regarde de tout là-haut est avant tout de couvrir une tête. Ainsi fait, la masse corporelle qui en dessous est protégée ne peut que remercier les astres et les animaux qui y habitent. Ensuite, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il spoutnichoie, l'individu élégamment chapeauté n'en a que faire. Il est protégé.